à la station. Edgar qui n'est pas loin de chez elle. Elle était là, elle bouquinait, elle voulait pas rentrer chez elle. Aussitôt, je la taquinais, je lui parlais d'Edgar Quinet, qui n'aimait pas le progrès. Et je n'eus aucun regret d'avoir appris ça à l'école, dans une dictée pour une colle. D'avoir appris ça à l'école, dans une dictée pour une colle. Jamais, jamais, Edgar ne ment, mais c'est un drôle de garnement. Jamais, jamais, Edgar ne ment, sauf peut-être occasionnellement. Comme je la trouve vraiment jolie, je lui demande « Qu'est-ce que tu lis ?» Elle me répond « Je lis Edgar Poe. » Et je me dis « Tiens, c'est du Poe de rencontrer deux grands Edgar le même jour. » Sur un quai de gare, c'est aussi rare que Balthazar, cela ne s'appelle plus le hasard. Jamais, jamais, Edgar ne ment, mais c'est un drôle de garnement. Jamais, jamais, Edgar ne ment, sauf quand il fait du boniment. À la station, Edgar Quinet, qui n'est pas loin de chez elle. J'ai cru que je l'enquiquinais quand elle voulut rentrer chez elle. C'est vrai que je la taquinais à la station Edgar Quinet, qui n'aimait pas le progrès. Aujourd'hui, c'est sans regret que je repense à toutes ces choses. Au moment où je me suis dit « Ose, il est temps de faire quelque chose, offre-lui une rose. »